Non. Ah oui. Identité. Ah bah tiens, toi, regarde, j'ai l'impression qu'il décolle ce micro. Tout à l'heure, on enregistrait. Bien, c'est vrai que l'identité du Parti communiste, c'est précisément d'être un parti qui ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un parti de classe. Mais alors ça veut dire qu'en terminant sur cette étude qualitative, il vient nous dire que finalement il ne veut plus que le Parti communiste soit un parti de classe. Donc il nous rassure précédemment sur l'identité, nous disant mais non, on ne crée rien, on va faire des trucs, on va changer, mais on va pas perdre l'identité communiste. Mmh. Et il nous annonce brillamment que finalement, pour être conforme aux souhaits de ces 32 personnes, on va transformer le parti en parti ordinaire. Non, pas en parti ordinaire, mais en parti effectivement qui s'adresse à une plus large audience. Qui cherche à avoir une plus large audience. Qui cherche quoi? On m'entend. C'est-à-dire qu'il y a deux choses quand on prend cette étude, puisque c'est là-dessus qu'il termine. Donc j'y reviens. Finalement, je suis contente que tu te mettes dans mon dos. Quand les. Quand tu lis comme ça l'article, enfin le résumé de l'étude, tu te dis que finalement ces gens, ils ont envie de qu'on parle davantage aux exclus, aux SDF, aux jeunes des banlieues, enfin c'est les trois, je crois que c'est les trois grandes catégories, exclus, SDF, chômeurs, jeunes des banlieues. Il y a quatre catégories auxquelles le parti doit parler. Et ne pas parler uniquement aux travailleurs. A priori, tu te dis, ça reste, si ça s'adresse effectivement à des gens comme ça, ça peut rester un parti de classe. Mais, et c'est ce que te racontent les journalistes qui ont fait la vague analyse. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça qu'ils disent. Quand ils disent ouais, le parti ne parle qu'aux travailleurs, moi j'aime pas quand on commence un discours en disant camarade travailleur ou camarade tout court, et qu'ils veulent certainement pas être reconnus comme travailleurs, mais qu'il faut s'adresser à la France et que la France c'est une pluralité de personnes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas que la France est des exclus des SDF et des jeunes de banlieue. Hein. Ils disent que la France, c'est un patronat, c'est des gens friqués, etc. Et comme par ailleurs, ils ont une perception très basée sur une dichotomie entre riches et pauvres, point à la ligne, parler à la France, c'est parler aux riches et aux pauvres, ils sont pas aux riches et aux pauvres, eh bien, c'est plus un parti de classe. Bon, c'est QFD, hein, ça a l'air trivial comme ça, mais... C'est ce qui est en train de se produire, mais bien c'est ce qui se produit depuis déjà de nombreuses années. Et je dirais que ça se produit depuis des décennies. Quoi, depuis l'abandon de la dictature du prolétariat? Ouais. Ça dépend, parce qu'il y a eu des moments où ça n'a pas, été continu. Mais après-guerre, le parti a des discours très ambigus à ce propos. Il y a une position très très ambiguë. Après-guerre? Ah ouais, au moment où il y a eu des grands clashs d'ailleurs. Le parti s'est franchement opposé aux travailleurs. Quand il y a eu des grandes grèves et tout, que le parti désapprouvait. Parce qu'il fallait reconstruire la France. Notamment une grande grève de mineurs dans les années 48. assez clair que de toute manière, on cherche à atténuer le message de classe du parti. Un dissident, c'est fait dans quel but? Je crois pas que ça soit fait dans un but bien précis. Je crois que c'est effectivement fait pour essayer d'augmenter l'audience du parti et qui, dans une perspective antidogmatique, dit, ou plutôt pense, que le contenu de son discours adapté à une population plus large, à un auditoire plus large, reste profondément progressiste, même si, au fond, nous, on pourrait penser qu'il perd son caractère de classe, il peut apparaître comme étant quand même un véritable programme de gauche. Mais c'est tout le problème. C'est que le Parti communiste, est-ce qu'il est un parti de gauche ou est-ce que c'est un parti communiste? Pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement un parti progressiste ou bien si effectivement c'est un parti révolutionnaire? Oui, bon. Donc ils font en pensant effectivement, en se disant que s'ils arrivent à faire passer ce discours progressiste plus largement, effectivement, les retombées seront bénéfiques pour la classe ouvrière. Mais c'est ce que pendant de nombreuses années on a appelé le réformisme. Est-ce qu'on peut imaginer ces mutas? Est-ce qu'on peut dire effectivement que c'est pour gagner plus d'audience? Et qui se radicalisera par la suite? Et qui va se réparer? Ça, c'est imprévisible. Oui, mais ils doivent le savoir au Bureau national. Oui, on ne sait pas du tout, ce ne sont pas des stratèges qui pensent si loin. Non, ils n'en savent rien. Et le problème du parti, c'est qu'il navigue au jour le jour depuis des années. Il navigue au jour le jour depuis des années, il n'a pas un plan fixé. Ils imaginent des tactiques. Le problème, c'est que la tactique, c'est... C'est comment faire plus de voix aux élections. Enfin, la question, c'est de savoir comment on fait plus de voix aux élections. On est dans une démocratie parlementaire. Si on n'a pas de poids au Parlement, on ne peut rien faire. Alors, l'idée du parti, maintenant, c'est de dédoubler cette action parlementaire, ou plutôt de retrouver cette force parlementaire en retrouvant une force à la base. Ce qui en soi n'est pas idiot. Mais maintenant, le tout est de savoir, c'est est-ce que l'objectif d'être plus fort parlementairement est suffisamment attrayant pour qu'effectivement les gens à la base soient susceptibles de s'unir. Est-ce que l'objectif d'être plus fort au Parlement est suffisamment envoûtant, suffisamment prometteur pour que les gens arrivent à se réintéresser à la politique et à rompre avec ce sentiment d'impuissance qui les anime et qui les éloigne de la politique? Moi, je ne crois pas. C'est tout le problème. C'est que pour atteindre ce but, il y a une circularité. Entre le moyen et la fin, évidemment, il y a une liaison très étroite. Et dans la mesure où la fin elle-même est censée être le moteur qui permet de réunir les moyens, si la fin n'est pas attractive, les moyens pour l'atteindre ne sont jamais trouvés, ne sont jamais réunis. Donc finalement, la fin n'est pas la bonne. La finalité n'est pas la bonne. Si la finalité c'est d'offrir une alternative politique à la droite dans le cadre du capitalisme, je ne suis pas du tout certain que le parti, dans ces cas-là, parviendra à l'objectif d'une union de la gauche à la base. Il n'y a pas de tactique au parti. Si, il y a une tactique, mais pas de stratégie. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas de stratégie ? Stratégie, on échoue ou parce que ça ne sert à rien de faire des stratégies ? Non, parce que la stratégie. Non, bien sûr que si, c'est indispensable, mais la stratégie, le problème de la stratégie du Parti communiste, il est toujours clair. Et historiquement, il se présente toujours un peu sur l'alternative réforme ou révolution. Oui, mais je veux dire, on peut promettre des réformes et faire la révolution. Ça marche souvent dans l'autre sens, on peut promettre la révolution et faire des réformes. Mm-hmm. Mais là, on mal barré, parce que quand on promet des réformes, on fait quoi? Justement, on tient le siège au Parlement, et encore. C'est le problème. Souvent, on a promis la révolution, on a fait des réformes, mais on a rarement fait la révolution en ayant promis au départ des réformes. Et c'est bien ce que je dis, enfin d'une façon plus claire, c'est-à-dire que si on promet aux gens des réformes, je ne sais pas si ça sera suffisant pour, effectivement, je ne sais pas si les réformes, la volonté de réforme va vraiment les mobiliser. Peut-être que si on leur promet la révolution, alors ça les mobilisera, peut-être plus, en tout cas peut-être que le plus sera plus enthousiasmant. Et peut-être que finalement, avec cet enthousiasme et tout, on arrivera peut-être à faire quelques réformes. Bon, le problème, c'est-à-dire que si on a une perspective révolutionnaire, donc la stratégie c'est la révolution, là maintenant se pose des problèmes, une fois que tu as dit on va faire la révolution, tu n'as rien dit. Donc il faut effectivement définir la stratégie de révolutionnaire. Et c'est précisément quand on essaie de définir cette stratégie révolutionnaire qu'on tombe dans le réformisme. Mais c'est la circularité dans laquelle est prise le mouvement ouvrier depuis sa création. C'est ainsi que la Seconde Internationale est passé au début d'une position révolutionnaire à une position franchement réformiste. Et à partir de la position réformiste, ils sont carrément tombés dans le chauvinisme de la Première Guerre mondiale, quoi. À soutenir chacun son petit gouvernement national pour qu'il aille écraser quoi, non. Donc, l'internationalisme prolétarien, à ce moment-là, il a un sacré coup. Et en principe, la Troisième Internationale était précisément construite pour définitivement rompre cette circularité et affirmer haut et fort que le but c'était la révolution. Et que tous ceux qui avaient le malheur de prononcer le mot réformisme ou quelque idée qu'il est réformiste étaient impitoyablement exclus de l'Internationale. Le gros point de la Troisième Internationale, c'est que finalement, comme on avait un mal fou à définir la stratégie révolutionnaire, eh ben on a plaqué chez tous les pays la stratégie qui marche en Russie. Et c'était l'histoire du modèle. Donc l'Internationale fixait plus la révolution. Bon, à partir de là, il fallait donner un contenu à la stratégie révolutionnaire. Comme on est incapable de la penser pour tous les pays européens, eh ben on a donné à ce contenu de révolution la stratégie qui avait marché en Russie et qui forcément ne pouvait échouer en Europe occidentale. Actuellement, il y a des gens qui pensent à des stratégies pour la révolution. Personne. Personne. Pas ma connaissance. Mais on attend quoi? Ah, on attend notre Marx. pour attendre que les lits. Non, mais bon, faut le faire, quoi. Ah, bah, c'est pas une bonne. On t'attend, mais qui traite. Bah oui, moi, j'arrive dans un parti dévasté. Allez, comme les lits. Comme les lits. Je croyais qu'il y avait des choses qui étaient un peu plus fermes, un peu plus avancées, et on parle d'une enquête qualitative, mais ça me fait rire quand même, mal comprise. Non, c'est vrai. Bon, je pensais que le parti il était ailleurs, franchement, quoi. Enfin, si c'est pour dire ça, alors bon, peut-être que c'est extrêmement important pour des vieux camarades de savoir qu'on va enfin pouvoir discuter. Peut-être qu'effectivement personne ne pouvait parler, moi je ne sais rien. Et oui, bon, mais visiblement, le bouleversement, il est déjà, c'est pas. Le bouleversement, c'est que le parti s'ouvre. Mais s'ouvre déjà à ses propres militants, il y a ses propres adhérents. Mmh. Donc c'est fantastique. Mmh. Très bien, au bon moment. Enfin. Mais si tu mets. Enfin, si c'est vrai, enfin, je crois volontiers ce que tu m'as expliqué sur effectivement les élections, sur les préparations réelles du 29 des congrès. Hein. Mmh. Je pense pas que la préparation de celui-ci va être très différente des précédents. Mais si, justement, ils veulent que ce soit très précédent. Ils veulent que ce soit très, très différent, mais dans les cellules, je sais pas si ça va être très différent ou quoi. La différence, c'est qu'on n'a plus, on n'a pas un rapport et un programme quasiment bouclé à discuter. Il faut dans les cellules faire preuve d'analyse, de proposition. On verra bien comment ça se passe. Mais en même temps, sous couvert de discussion, sous couvert d'ouverture et de discussion, on risque fort d'avoir tout simplement un grand vide dans ce parti. Public politique à partir de laquelle, justement, se poser ou s'opposer. Donc finalement, en même temps, c'est un aspect négatif de la chose, mais il y aura des aspects positifs. Mais on risque fort au parti de ne plus savoir où on en est. Voilà. Le 29e congrès, point 3. Je lis la première phrase parce que finalement tout est résumé dans cette phrase. Oui. C'est dans cet esprit que nous abordons la préparation du 29e congrès. Comment procéder? Des progrès considérables ont été effectués en matière de discussion démocratique lors de nos derniers congrès, notamment depuis le 22e congrès de 67. Les projets de documents soumis à discussion ont été de mieux en mieux conçus, de façon à créer les conditions d'un large débat sur les questions au cours duquel chaque communiste a pu faire valoir son point de vue, intervenir dans l'élaboration des analyses et des orientations politiques, et prononcer par un vote sur les choix qui lui étaient soumis. C'est en prenant appui sur ces acquis dans notre vie démocratique, nous devons chercher comment favoriser mieux encore la participation des communistes à l'élaboration de la politique du parti. Bon, ça c'est de la langue de bois, ça. Ouais, trois colonnes. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne dit rien d'autre encore une fois, tu vois. Mmh. Il ne dit pas grand-chose d'autre, hein. Mmh. Enfin, je pense qu'il dit quand même encore des petites choses, mais tu vois, par exemple, faire toute sa place à la diversité des apports, mmh, c'est exactement la même chose. Une façon nouvelle de concevoir et d'organiser les discussions. Mmh. Cinq questions. Et quoi, c'est quoi ces questions? Ben, c'est celles qu'on a dans l'UMA. Avec des questions et apparemment un texte d'analyse, parce que ça veut pas dans la discussion. La cinquième question, c'est l'orientation politique du parti. Mmh. Alors la question donc, quelle stratégie, quelle activité, quelle initiative pour qu'il soit toujours muté à notre peuple, afin qu'il se rassemble pour résister à la politique dévastatrice de la droite et qu'on se réunisse une perspective de changement. C'est la question ? Il y en a cinq questions. Oh, mais est-ce que ça c'est une question ? Je sais pas, faut vous regarder. Et alors quoi ? Et après, on prend notre plume, on répond à la question ? Bah, il y a un texte en dessous de chaque question, il y a un texte. Un texte qui prépare la, qui cadre, qui prépare la, qui prépare la discussion. Regarde. Alors, ben c'est ça ta question. Quelles grandes orientations particulières proposent-ils pour une politique de gauche de changement visant à apporter des solutions pour imposer aujourd'hui à notre peuple, à notre société, à répondre à leurs aspirations ainsi qu'aux défis de notre temps, c'est ça? Ah bon, il y en a cinq. Ben moi, j'ai pas cette question-là, mais... La première porterait sur l'orientation du parti politique, quelle stratégie, quelle activité, quelle initiative, pour qu'il soit La première question, c'est quelle va être l'orientation politique du Parti communiste? Alors, t'as Jean-François Gault qui fait une présentation. Mais c'est qui Jean-François Gault? On est parti. On voit quel niveau? On va être au comité national. Bon, alors après, t'as un débat. Ouais. Tiens, on parle de Roland Perlican. Le signal du débat sur l'existence de préalable à une authentique politique de gauche est donné par Roland Perlican, qui estime qu'il ne saurait y avoir de politique de gauche qui ne remette en cause l'existence du traité de Maastricht et exige sa réelle discussion. Plusieurs intervenants insistent sur le fait qu'elle a raison, mais que maintenant que le traité existe, même si nous luttons pour sa renégociation, nous n'instituons pas comme préalable à l'Union et à l'Europe. Bon, alors voilà, t'as le débat en gros, un petit résumé du débat qui a eu au comité national. Donc t'as une présentation de la question, le résumé assez succinct du débat qui est au comité national, et ensuite un texte, donc assez long, qui met à la discussion au fond ce que le comité national pense pouvoir apporter comme réponse à cette question. Et à partir de là, chaque militant est censé prendre connaissance de ces documents. Et de réfléchir et de commenter, d'apporter sa propre analyse, ses propres propositions, etc. Maintenant, comment on va se faire la synthèse, Mister et Goule de Gaulle? Comment on va collecter tout ça et surtout, c'est une expérience intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, a priori, on n'impose pas l'unité du parti avant le congrès. C'est qu'avant, de toute manière, comme ça, il y avait toujours une unité, puisque de manière, il n'y avait toujours qu'un seul texte. Là, ce qui m'inquiète tout de même, c'est qu'il n'y a plus de programme qui est en discussion. Il n'y a plus de programme. Or, la résolution, c'est bien. Mais ce qui importe dans les congrès, ce n'est pas les résolutions. C'est le programme. C'est dans le programme que sont fixées les actions, les objectifs. Tu veux dire qu'on va plus savoir ce que le parti va faire? S'il n'y a pas de programme qui est mis en discussion, moi je suis très inquiet. C'est quand même le programme qui importe, c'est pas la résolution. Au fond, les résolutions, les analyses, c'est le préambule. Mais en quelque sorte, il y a l'analyse. Et de là, de cette analyse doit découler des actions, des propositions d'action, des objectifs à atteindre. Si on en analyse, mais que le parti ne se met pas d'accord sur des choses à atteindre, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'au fond, alors dans ces cas-là, la direction du parti peut interpréter les analyses de sa ville en termes d'action. On focalise toujours au niveau de la préparation, on se focalise toujours sur ce qu'on appelle la résolution. C'est-à-dire où on enregistrait l'analyse du parti. Et beaucoup moins sur le programme. maintenant, le programme semble avoir disparu de la distribution. Alors quoi, ça veut dire qu'on garde que le programme qu'on a élaboré il y a 3 ans, on le conserve. Qu'est-ce qu'il dit dans le propos du programme? Là, je trouve qu'il y a un tour de passe-passe, un escamotage du programme qui est fabuleux. On va être un parti qui va plus avoir de programme. Concrètement. Non, mais attends, c'est quoi ça? Moi, j'ai même vu ça, un parti sans programme. Ben, je sais pas, je le dis, on va vouloir passer le programme. Il n'y a pas de programme. Bon, y a pas de, il parle pas du programme à la discussion. Qu'est-ce qu'il dit Robert Russe sur, dans son projet de, dans son rapport pour la préparation du congrès? Est-ce qu'il évoque la question du programme? Non. Bon, ben voilà, le tour passe-passe, il est simple. Enfin, j'en sais rien, moi. Le tour passe-passe, il est très simple. On ouvre le parti à la discussion. Non, mais en fait, il n'y a pas de programme. C'est fou, ça, il n'y a pas de programme. Ah oui. Le congrès national de décembre, je vais te dire ça, ce qu'on fait. Le 17 décembre, s'ouvrira notre 29e congrès, avec la présentation par le secrétaire national d'un rapport rendant compte de l'activité du parti depuis le 28e congrès, et proposant à partir du bilan de la discussion qui aura lieu dans le parti, les orientations politiques et initiatives sur lesquelles le congrès aura à se prononcer. Après discussion et en prenant en compte les réponses apportées par les communistes aux 5 questions mises en discussion, les opinions, les amendements et votes émis par les conférences sur le texte mis en discussion depuis le comité national d'octobre, le congrès se prononcerait pour un vote. Par un vote. Il émirait ensuite le comité national. Ça, c'est normal. C'est tout. Ben voilà. Alors attendons, convoquer le 29e congrès en précisant l'ordre du jour, adopter la procédure, entre guillemets, proposée, désigner le secrétaire national comme rapporteur sur l'activité du parti depuis le 28e congrès et pour la discussion et l'adoption des orientations initiatives du parti, aider la commission qui sera chargée d'assurer pour tout le parti la transparence des débats et de transmettre au congrès des éléments de discussion, des opinions et des propositions émises par les communistes, désigner au sein de cette commission les 5 camarades qui réuniront les 5 commissions du congrès chargées de proposer la rédaction des textes et qui rapporteront au congrès sur cette proposition, désigner le rapporteur pour l'élection du comité national. Telles sont, chers camarades, les propositions que notre bureau national a discutées, que j'étais chargée de vous transmettre. Ça, c'est bien. En fait, le tour de passe-passe, il est là. Il n'y a plus de programme. Le programme est escamoté. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On va servir de quel programme alors? Le grand escamotage, il est là. J'arrive dans un parti, mais pas. Non, c'est vrai qu'il faut réfléchir à cette disparition du programme. Qu'est-ce qu'on va faire de programme? Parce que le programme, c'est quand même ce qui enregistre concrètement ce qu'on veut. Parce que ça c'est le bavardage. Et après, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? En fait, on ne veut plus avoir de programme. Ce qui permettra alors éventuellement de discussion avec la gauche d'établir un programme dans ces cas-là. Mais alors quoi? On arrive sans programme. sens est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'ils ont oublié le programme. Comment ça, ils ont oublié? Peut-être. Ils ont tout simplement oublié le programme. C'est tout à fait possible, tu sais. Sans aucune malveillance, après tout, pas très bien. Dans le souci, justement, d'avoir un congrès vraiment où ça discute vraiment, etc., ils ont pu très bien oublier le programme. C'est pourquoi pas. Parce que au fond, c'est le programme qui fixe. En fait, c'est vraiment dans le programme que se fixe ce qu'on veut faire. Les pratiques, les stratégies, les tactiques, tout ça, c'est quand même, c'est dans le programme que l'action est fixée, pas dans la résolution. Au fond, en quelque sorte, la résolution est le reportage de définir la stratégie et le programme de fixer la tactique. Et maintenant, finalement, la résolution s'occupe que des tactiques, donc il n'y a plus besoin de programme. Ben, d'une manière générale, est-ce que ce ne serait pas bien plus intéressant de discuter d'un programme? Bien sûr. Ou on pourrait apporter des amendements, des choses comme ça, justement. Ben, normalement, dans les précédents congrès, on dit qu'il y avait la résolution et le programme à discuter. Les deux étaient à discuter. Tu avais toujours les deux à discuter. Et les deux étaient en discussion. Mais le programme, il s'articulait normalement très étroitement à la discussion de résolution. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc on modifiait, puisqu'au fond, la discussion de la résolution était censée dégager les possibilités. Les possibilités, ce qui conviendrait de faire, et à partir de là, on enregistrait dans le programme précisément les actions qu'on pouvait envisager à partir de la discussion et de la résolution. Là, s'il n'y a plus de programme, c'est qu'en clair, on ne va plus fixer d'action pour partout. Mais c'est excessivement dangereux, ça. C'est excessivement grave. Oui. Donc, alors quoi, on ne saura plus le mettre? Enfin, on ne saura pas ce que veut le parti. Ouais, on sera en gros comme tous les partis. Parce que le Parti communiste, il se définissait précisément par le fait qu'il avait toujours un programme très précis. Tous les militants ne connaissent pas d'ailleurs généralement. Mais force aurait pu être une grande connaissance. Donc on ne se sert pas. Le programme ne se sert quasiment jamais. Les militants ne connaissent pas le programme. La preuve, regarde le temps qu'il a fallu pour que je récupère un programme, de la part des camarades. Ils n'avaient pas chez eux le programme, par exemple. Ils avaient la discussion, ils avaient la résolution, mais ils n'avaient pas le programme. Or, en quelque sorte, la résolution, c'est du planeur. Le programme, c'est le manifeste. Non, mais... Parce qu'on aurait pu écrire... Non, mais... La critique du programme de l'imprimé. Et s'il prend par exemple, s'il prend le manifeste du Parti communiste, il y a une partie analyse, les deux premiers chapitres, analyse, exposition du but des débuts des communistes, analyse de la société et de ses possibilités, et le chapitre 3, il y a le programme, et 4, analyse de la tactique politique et analyse des positions à avoir par rapport aux autres partis socialistes. Et critique de la littérature socialiste, etc. Et jusqu'à maintenant, le PCF avait à chaque fois, à chaque congrès, au fond, fournissait un peu cet ensemble de documents. Et au dernier congrès, il y a eu un programme, une résolution et un manifeste. Ça veut peut-être dire aussi que le programme ne change pas depuis le seul congrès. Le congrès celui-là. Bah oui, mais le monde il a changé depuis le 28e congrès. Ok. Je crois qu'il est temps qu'il y ait un Marx qui arrive. C'est pas celui-là. Non. Moi je me demande si j'y connais. On va passer libre. Non, mais du coup, c'est quand même très bien. Ouais, ça tombe bien. C'est vrai que je viens de penser à ce qu'il y a de programme. Ah ben, je pensais qu'il avait parlé du programme, mais effectivement, il n'a pas l'air de venir au programme. Je pensais qu'il parlait dans l'école du programme, qu'il dit que non. Il faudrait lire en étant plus attentif à ce qu'il y a de programme. Mais moi, à mon avis... Écoute. Première question, deuxième question de la société française de la... Dans la crise, troisième question, communisme. Quatrième question, quelle politique préconisons-nous? Cinquième question, le Parti communiste. Et voilà. Y'a rien là. Je t'assure, il ne va pas y avoir de programme. Ils n'ont pas même pas de simplement réactualiser le programme du 28e congrès. Regarde, je suis un peu devenue. Et lors de la discussion, on n'a pas parlé du programme. Non. Et par suite, ce qui s'est dit, la discussion elle doit être dans les journaux du qui suivent dans les journaux du 22 mai, 23 mai, etc. Il faut lire la discussion du comité national à ce propos. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être sans doute des gens qui en parlent. Et on l'a regardé aussi. Tout le monde devant tous les matins. On a autre chose à dire? Non. Bon, voilà. Pendant les écœurements, mon ami. S'il fait, il fait 50 grammes. L'autre, il fait 40 grammes. Alors, le gros, il fait plus de 20 francs, hein, celui-là. C'est plus de 20 francs. Ouais. C'est vrai que c'est une idée que vous demandez de prix ou de mal. Le prix. Ah, bah oui, bah, compte tenu de l'autre, il fait 40 grammes, il fait 15 francs. Ouais. Et c'est une gauloise. Celui-là, je pense, c'est une idée un peu plus élevée et il fait 10 grammes de plus. Mmh. Déjà. Alors, s'il fait une affaire, on va en 20 francs, celui-là. D'accord. Enfin, oui, je suis 20 francs. Quoi. Parfait. Vous avez l'impression que cette marque Vandel-là, elle serait moins chère, prix identique ou plus chère que les autres marques de tabac qui existent? Bah, plus chère que la Gauloise, mais moins chère que certaines marques comme Samson ou Amstradamère. Alors, elle serait plus chère que Gauloise, mais moins chère que Drum. Samson. Amsterdam Nord et Aja. Oh ben Aja, non, ça serait un peu plus cher hein, que Aja. Plus cher que Aja. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle serait moins chère que cela hein? Tu dis que c'était en termes d'argent, ça. Oui. Donc en principe, les dames blanches sont un peu plus chères. Ah oui, pour cette raison-là. Ouais. Ok. Parfait. À comparer avec le mode bleu, pour le prix, vous m'avez dit que c'est ça plus cher. Hein. Bah, il y a plus de poids et puis je dis c'est la qualité aussi. Et par rapport à jade, ce sera aussi plus cher. Jade, 50 grammes. Non, ça sera un peu plus cher. Ah, là, sera un peu plus cher que la jade. Ouais. Okay. Un petit peu plus, mais il sera fort. Hein, d'accord. On va imaginer que vous puissiez acheter ça. Hein. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, vous pourrez l'acheter. Hein. On imagine qu'il est en vente à un prix 10% plus élevé que celui de Gauloise. À 10%, là, tout de suite, il y a je dis, t'as 25% de plus de tabac. Ah, il y a combien il y a 1%, pas enfin, 25%. Vous l'achetez certainement. Si c'est 10%, j'achète. Question de poids. Certainement. Probablement. Pas d'opinion. 10%, vous dites. De plus. Mm-hmm. Oui, j'achète, oui. Oui. Certainement, probablement. La question certainement. Est là. Certainement. C'est pas le même poids. Ok, mais pour une question de poids. Alors il fait 40 grammes, alors celui-là il fait pas 50 grammes. Non, il sera comme ça. Ah d'accord, à poids égal, hein. D'accord, à poids égal, bon, et il fait, à poids égal, il fait 10 points. Mouvement social dont nous parlaient les autres zozos. Oui. Vachement de sympathie, ouais, ils sont vachement sensibles à ce qu'on dit, etc. Gna, gna, gna. Oui, il faudrait pas grand chose pour que ils pourront mettre autant qu'ils veulent les gens, il n'y aura jamais le passage du pour que justement. Ouais. Oui, ils ont de la sympathie. Oui, il y a des adhérents, oui, il y a des souviens-toi, il y a des adhérents de la CFDT qui sont dégoûtés par nos tailles, qui sont pas loin de passer à la FSU.